Si une voiture heurte un piéton à 50 km/h, les chances de survie du piéton sont environ de 20% réponse A, 40% réponse B, 60% réponse C.